Psaume 24. Psaume de David. La terre appartient à l'Éternel, avec tout ce qui est en elle, la terre habitable, et ceux qui y habitent. Car il l'a fondée sur les mers, et l'a posée sur les fleuves. Qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel, et qui est-ce qui demeurera dans le lieu de sa sainteté? Ce sera l'homme qui a les mains pures et le cœur net, qui n'aspire point de son âme à la fausseté, et qui ne jure point en tromperie. Il recevra bénédiction de l'Éternel, et justice de Dieu, son Sauveur. Tels sont ceux qui l'invoquent, ceux qui cherchent ta face en Jacob, c'est là. Porte, élevez vos linteaux, et vous, porte éternelle, haussez-vous, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant en bataille. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les aussi, vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui qui est le roi de gloire, c'est là.